L'insatiabilité. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'insatiabilité, c'est ce qu'expérimente un individu qui réfléchit par rapport au fait qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a. Donc, si on regarde l'insatiabilité sur le plan occulte, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à quelque part, l'individu reçoit une pensée. La pensée ne provient pas de lui. À l'effet que ce qu'il a, c'est insatisfaisant. Donc, il peut, par exemple, recevoir une pensée d'une entité astrale qui va lui insuffler l'idée qu'il n'a pas suffisamment de choses et qu'il désire plus. Et lorsque l'individu nourrit cette pensée, bien à ce moment-là, lorsqu'il la réfléchit, qu'il l'amplifie dans son mental, il vit un état d'insatiabilité qui est lié au fait que l'individu va vibrer à du désir de l'ego, du désir subjectif par rapport à quelque chose qu'il n'a pas. Et plus qu'il est insatiable, moins il est en mesure d'apprécier ce qu'il a. Et c'est un cercle vicieux parce que l'individu qui est très insatiable a un comportement d'envie par rapport à quelque chose qu'il désire, par rapport à quelque chose que des pensées qui lui sont assimilées dans sa psyché l'amènent à vouloir désirer subjectivement. Alors que lorsque la personne est consciente que la pensée ne provient pas d'elle, elle peut prendre un recul par rapport à des pensées qui l'amènent à vivre un état d'insatiabilité. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, reçoit la pensée qu'il pourrait avoir une plus grosse maison, une plus grosse voiture et une plus grosse télévision, pourquoi pas, il est capable de prendre un recul par rapport à ça. Donc, si, par exemple, il reçoit la pensée qui lui dit « je veux une plus grosse maison, je veux une plus grosse télévision et je veux également une plus grosse voiture », si la personne vibre à la pensée et lui donne de l'importance, et la prend personnelle, et s'identifie au « je » qui est amené dans sa psyché par une entité qui utilise le camouflage du « je » pour lui présenter une pensée dans l'optique qu'il s'identifie subjectivement à elle. Donc, si l'individu mord à l'absence de la pensée et qu'il vit un absonnage psychique, bien à ce moment-là, il reçoit la pensée « je veux quelque chose de plus », peu importe c'est quoi l'objet, et ça peut l'amener à vibrer de l'insatisfaction. Donc, vibrer à un état émotionnel qui l'amène à ne pas se sentir bien dans sa peau. Quelqu'un qui est très insatiable, il n'y a rien qui le satisfait parce qu'il en veut tout le temps plus. Il y a un véhicule qui fonctionne très bien, une belle automobile. Ah, ben il en veut encore une plus belle, puis une plus luxueuse, puis une plus luxueuse, puis ça n'arrête pas. Puis plus que la personne consomme et est amenée à consommer, sous l'influence de forces extérieures à lui, que ce soit la publicité, que ce soit des entités astrales qui acheminent des pensées en ce sens. Et plus l'individu va dans le sens de ce mouvement, et moins il peut être capable de savourer le vide mental et vivre la paix de l'esprit. Parce que l'insatiabilité, lorsque c'est amené dans la psyché d'un individu, amène une forme de perturbation émotionnelle, une déconnexion du réel. Et c'est une forme de pollution psychique, l'insatiabilité. C'est une attitude aussi psychologique, donc ça mène l'individu dans une forme. Donc quelqu'un, plus qu'il achète par exemple la nourriture ou des films, plus qu'il en veut, donc là il se met à collectionner des films, il y en a une centaine, il y en a 1000, il y en a 20 000, donc ça augmente constamment. Et le fait d'acheter les films ou d'aller voir des films au cinéma ne compte pas le désir qui lui est aussi insufflé par l'invisible. Donc, autrement dit, pour remplir le désir, on lui donne l'idée de consommer, mais on implante aussi le désir dans son esprit de consommer d'une manière compulsive. Ce qui fait qu'à quelque part, l'individu qui va dans le sens de ce mouvement d'insatiabilité ne pourra jamais ressentir un sentiment de plénitude interne, parce que pour le ressentir réellement, il faut qu'il utilise la puissance de sa volonté et mettre un stop en disant « ben là, ça va faire, là, j'ai pas besoin d'acheter des centaines de films pour me sentir heureux, j'ai pas besoin d'acheter une grosse voiture pour me sentir heureux ». L'individu peut le parler au jeu s'il canalise une pensée et à quelque part cherche à se l'approprier pour s'opposer à la pensée qui l'amenait à désirer continuellement des choses pour le garder continuellement insatisfait. Et c'est sûr qu'éventuellement, l'individu qui monte en conscience, qui prend un recul à l'égard de la pensée, n'est pas intéressé à vibrer de l'insatisfaction en lien avec des pensées qui se rapportent à de l'insatiabilité parce qu'il réalise que ces dernières créent une perturbation psychique. Et quelqu'un qui peut goûter à de la paix de l'esprit va chercher à vivre dans cet état interne, cet état de plénitude. Alors que lorsqu'il vit l'insatiabilité, ben c'est des pensées qui l'amènent à se diviser, à se sortir de son état fondamental en lien avec le contact avec l'esprit qui crée de la perturbation psychique. Donc, quelqu'un qui vit de l'insatiabilité, c'est parce que quelque part, il est divisé intérieurement en d'un côté le désir, puis de l'autre côté, son esprit. Parce qu'en tant que tel, l'esprit ne vibre pas à l'insatiabilité. La nature de l'esprit, c'est de la plénitude. Donc, l'esprit, par définition, n'a pas de comportement psychologique, étant au-delà du niveau psychologique. L'esprit, c'est la contrepartie cosmique de l'individu, nature éternelle, qui ne peut pas vibrer à désirer des choses, bien que l'esprit peut avoir une volonté. Mais c'est une volonté qui est intelligente. Donc, quelqu'un qui se déconnecte de l'esprit en vibrant continuellement à de l'insatiabilité, c'est comme s'il se crée un nuage entre lui et son esprit qui le sépare de sa source. Et plus que la personne vit l'insatiabilité, et plus qu'il est coupé de sa source, moins il peut être en contact avec le réel, et plus ça devient difficile de se brancher sur le réel, parce que il peut être amené à vivre un état frénétique et compulsif à la consommation sous l'influence de la publicité, des individus de son environnement qui font en sorte que quelque part, il n'a plus l'espace dans sa vie, la disponibilité interne à vivre une communication télépathique avec l'esprit. Donc, autrement dit, l'insatiabilité l'amène à se couper de lui-même. Et l'esprit, ce qu'il faut comprendre, c'est que son impulsion est une nature créative. Donc, l'esprit cherche à amener l'individu à se renouveler sur le plan psychique d'une manière continuelle, à son image. Donc, autrement dit, l'esprit cherche à travailler l'ego pour que quelque part ne soit pas figé dans la forme, que l'ego soit capable de s'ajuster vibratoirement à sa vibration, qu'il en fasse une intégration. Mais ça n'amène pas l'ego, ce mouvement-là, à être insatiable, à être continuellement insatisfait de lui-même, puis à vouloir tout le temps désirer plus. C'est un mouvement qui amène l'ego à intégrer de la vibration, mais c'est pas dans une compulsion psychologique. Et il y a des nuances qui doivent être faites. Donc, autrement dit, l'esprit qui cherche continuellement à participer à un renouveau créatif, c'est fait dans l'optique d'un véhicule d'une plénitude. Parce que quelqu'un qui vit continuellement l'insatiabilité, c'est parce que quelque part, il n'est pas capable d'être là dans le ici et maintenant. Donc, dans une présence réelle à ce qui se passe, donc dans une conscience intemporelle, c'est-à-dire au-delà de la réflexion, au-delà de la subjectivité, au-delà du vécu du temps d'une manière linéaire. Donc, le vécu d'une conscience psychologique, c'est toujours en fonction d'une linéarité. Donc, il y a un passé, il y a un présent et il y a un avenir. Alors que dans une conscience qui est au-delà de ces éléments-là, donc de la linéarité, bien, il n'y a qu'une éternité qui est vécu au-delà du temps planétaire par rapport à la réalité énergétique fondamentale qui sous-tend la réalité manifeste sur le plan physique et la réalité psychologique de l'individu qui s'inscrit dans un contexte planétaire. Donc, lorsque l'individu vit en contact psychique avec l'esprit dans une conscience qui est au-delà de la temporalité, bien, à ce moment-là, il ne vit pas en fonction du désir de faire quelque chose pour l'avenir, mais il vit dans une compréhension que oui, il y a des choses qui vont se faire par rapport à l'avenir, mais que à quelque part, il vit pas dans une compulsion à être insatisfait du moment présent, dans la croyance subjective que l'avenir va être meilleur, qu'il va avoir certains privilèges dans l'avenir, parce qu'il réalise que tout est là tout le temps, en ce sens qu'il n'a qu'à se brancher à l'énergie nourricière, à l'énergie qui permet de vivre un état de plénitude de l'esprit pour sortir d'un état d'instabilité psychologique lié à une perturbation par rapport à des pensées qui l'amènent à vivre de l'insatiabilité. Donc, quelqu'un qui est totalement présent à ce qui se passe, qui est totalement là et qui est présent à son esprit et qui est capable d'être branché à cette énergie-là ne vit pas d'insatiabilité. L'insatiabilité est vécue par rapport au fait que l'individu a l'impression qu'il lui manque quelque chose, il peut recevoir la pensée que dans l'avenir, il va l'obtenir. Mais en réalité, tout est là dans le moment présent. Donc, autrement dit, si l'individu est capable de se brancher à la présence de l'esprit et vivre l'état de plénitude, il n'est plus insatiable parce qu'il est capable de se brancher à cet état vibratoire qui va le dynamiser, qui va le vitaliser. Et qui va sortir aussi d'un comportement psychologique qui l'amenait à vibrer au désir de choses qu'il n'a pas nécessairement dans le moment présent. L'individu ne vibre pas fondamentalement au désir de consommer, mais vibre plutôt avec la vibration qui provient de son esprit. Bien à ce moment-là, il ne vibre pas une vibration astrale qui le déconnecte de sa source. Il vit plutôt en fonction de son intériorité. Et à être dynamisé par la créativité qui peut émerger en lui. Donc, c'est très différent. Donc, autrement dit, quelqu'un qui vit en contact avec son esprit ne vit plus de l'insatiabilité parce qu'il a dépassé la conscience subjective et aussi un comportement polarisé pour être capable de transiger avec une vibration qui est au-delà des formes et aussi de la mécanicité psychologique. Donc, autrement dit, il s'affranchit intérieurement, par exemple, du désir qui est souvent implanté dans l'esprit des gens par la publicité, dans la société de consommation dans laquelle les gens vont vivre, en Occident notamment, pour vivre d'une manière autonome, individuée, en fonction de son esprit et son temps à lui. Donc, autrement dit, il ne se laisse pas imposer à sa psyché un temps qui ne lui appartient pas et des désirs qui ne le concernent pas, mais va plutôt gérer sa vie par rapport à lui-même. Et si l'individu vit dans son temps, il ne peut pas être insatiable, il ne peut pas être insatisfait, il ne peut pas vivre du désir d'une manière compulsive parce que il a la conscience que dans son temps, il vit ce qu'il doit vivre par rapport à lui-même, et qu'il est branché à sa vibration de l'esprit, donc à ce moment-là, il a des ressources énergétiques qui l'empêchent de ressentir un vide intérieur, étant donné qu'il est branché à sa source. Donc autrement dit, c'est le contact réel avec la source qui permet à l'individu de ne pas être piégé par l'insatiabilité.